Bonsoir, Québec. Québec Naziland. C'est du moins ce que laisse présumer trois excellents textes de Yann Bussière dans le Journal du Soleil cette semaine. Québec qui serait devenu l'hôte d'un nouveau chapitre de Blood and Honor, un groupe de néo-nazis violents. Alors, pour commémorer leur présence dans la capitale, on va faire un petit spécial Antifa. Mais pour tout de suite, commençons avec Pépé, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Le Véritable Amour. Vous écoutez Le Cirque Aquatique Magique et vous êtes en compagnie de François Chécouillard. C'est pour moi un grand plaisir. Et je vais quand même vous faire une petite chanson qui dit que je m'en fous que t'aimes le poil ses cuisses. Et je tiens à préciser qu'on est en 2010. Quand tu voyais ton ami lever des haltères, t'as senti ton membre dur comme le fer, mais t'en fais pas. T'es pas gay. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. C'est réglé. On n'en parle plus, ok? Tu n'as eu qu'une relation homosexuelle à 4h du matin dans une ruelle, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le lendemain, t'as oublié. Évidemment, c'est plus sain de refouler. Non, t'en fais pas. Oh, tu n'es pas gay. Non! T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. C'est réglé. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay, pas. Quand tu t'endors, tu vois plein d'hommes tout nus. Et tu te réveilles avec le doigt qui pue. Mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le bonheur, tu t'en fous, tu t'en prives. Avec tes barrières émotives. Non, t'en fais pas. Tu n'es pas gay. En fait, ce qui est pas gay, c'est tes journées, hey. Non, ce qui est pas gay, hey. C'est tes journées. T'es pas gay. Quand ta vie n'est qu'un tissu de mensonges. Il faut pas avoir peur de prendre une plonge. Si tu veux vraiment mon avis, tu devrais tester. C'est qui tes vrais amis qui vont rester? Mais ça se peut pas, parce que t'es pas gay. Hey. Non, ça se peut pas, oh, parce que t'es pas gay. T'es pas gay! Une chance qu'on est là, hein? Personne ne parlera d'eux autres. Une chance qu'on est là. Franchement, André, il n'y a personne, jamais personne, qui parlerait de ce groupe-là, ce groupe d'anarchistes, ce groupe de bonnes femmes frustrées. Néo-nazis. À la limite, là. Moi. Déjà tout nu quand je me lève, et j'aime pas les sessions trop brèves. Je te conseille d'en remettre un morceau, c'est pas ça qui va te donner chaud, c'est juste pour décorer ta peau. Mais tes bobettes que je les enlève, juste y penser ça me la soulève. Comme un ruban sur un cadeau, personnellement je trouve ça fait beau, ça fait sonner mes petits grelots. Chez nous, je suis réveillé, mais je sais pas, je suis où. Plus j'y pense, plus ça devient flou. Faut que je rentre, mais je suis encore sous. Je me suis encore réveillé, pas chez nous. Y'a des photos, mais je reconnais pas personne. Coudon, y'a le téléphone qui sonne, je réponds, voyons. Demande Gaston, ben non, garçon, moi et mon nom, c'est Raymond. Wow! Parce que ça me tentait de me réveiller chez nous. Gaston y est là, y a des yeux de fou, y a le feu, j'pense qu'il veut me casser le cou. Je me suis encore réveillé pas chez nous. Ah! Je suis où? Plus j'y pense, plus ça devient flou. Faut que je rentre, mais je suis encore sous. Je me suis encore réveillé, poché. Je me suis encore réveillé, poqué. Je me suis encore réveillé, poché, nous. Je me suis encore réveillé, poché. Je me suis encore réveillé, poqué. Je me suis encore réveillé, poché, nous. Oh, on reconnaît le style de Pépé. Jovial, sympathique, festif, pourquoi pas, et un petit peu niaiseux. Il s'agit de deux pièces, en fait trois pièces, du dernier album de Pépé, qui s'intitule Le véritable amour. Il me semble que Le véritable amour, ça serait un bon titre pour une chanson country. Ça la donne bien parce qu'il y a justement une pièce, la pièce titre de l'album s'appelle comme ça, et c'est une chanson country. Quel hasard. On a entendu la pièce Pas chez nous. Mets tes bobettes. C'est drôle, il y avait une pièce dans un autre album qui s'était Bobette Bob. Donc on note une légère obsession des bobettes. Et la pièce T'es pas gay, qui traite des gens qui veulent pas sortir du placard. Une pièce très drôle. Et on parle d'un disque qui a mûri depuis 4 ans. Probablement sa meilleure production jusqu'à maintenant. Toujours le même style guitare-voix, chanson, chansonnette, des pièces de 1 minute. Toujours le même style. Là, si vous aimez Pépé, ça va être le même genre que d'habitude. Vous serez servi. Québec, ville de nazis. On va aller écouter un bloc consacré à la musique antifasciste. On commence avec Kidnap avec No SS. We'll be right back. L'hypothèse la plus plausible à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a, c'est que c'est un fou d'Allah, tout simplement. Il a crié. Il criait en tirant « Allah est grand ». Jean-Luc, t'sais, la première hypothèse, c'est l'infiltration à nouveau dans l'armée américaine par un mouktouk. Alors, c'est un mouktouk, c'est un fanatique, c'est un individu qui est un musulman pratiquant, tout le monde le savait. Et Jean-Luc, ce qui m'offense, ce qui me met le feu au derrière ce matin, c'est l'imbécilité humaine. Jean-Luc, comment peut-on croire sérieusement qu'un musulman pratiquant puisse devenir psychiatre et être aidant pour des Américains qui sont allés tirer sur des musulmans? Mais comment il a réussi? Humainement, ça ne marche pas parce qu'un pratiquant musulman est nécessairement un individu inférieur. Les airs sont viciés, les sources, les mers et les rivières empoisonnées. Les arbres, poumons de notre survie, sont anéantis pour les privilèges des industriels. Et nous restons silencieux. Dans la Amazonie, la forêt est en Néo-nazi, discret mais bien présent dans la capitale. C'était le titre d'un des trois articles du journal Le Soleil cette semaine qui traitait de la présence de l'extrême droite dans la capitale. On vient d'entendre trois pièces pour commémorer leur arrivée. On a entendu Auschwitz Planète des Ramoneurs de Menhir, qui se trouve à être en fait une copie conforme des Béruriers Noirs. Vraiment, j'ai de la misère à voir une différence. Même la voix est pareille. On a entendu Liberté Autogestion du groupe qui s'appelle La Société est la mauvaise haleine. Et on a entendu NoSS avec le groupe Kidnap. We don't need your fucking war. Les trois articles du Soleil ont été écrits à cause d'un spectacle qui devait avoir lieu. Un spectacle annoncé sur Facebook du groupe White Power, Dernier Guerrier. Et on se rappelle, là, il y a quelques semaines, il y avait aussi la saga Légitime Violence qui avait défrayé la manchette du groupe qui voulait jouer à Envoi les Macadam. Et dans les paroles du groupe Dernier Guerrier, qui est vraiment un groupe de Québec, on retrouve des paroles comme « Ce sont je cite, « Ce sont les Juifs qui mènent avec leur argent. Réouvrons les camps de concentration. Faisons d'Israël une grande prison. » La pièce s'appelle « Accommodement raisonnable ». C'est un groupe qui serait lié à la Sainte Foi Crew, un groupuscule d'extrême droite. Et il compterait parmi, dans ses rangs, quelques militaires des forces militaires canadiennes de Valcartier. Il y a de la visite à la porte. Ça fait qu'on va mettre une pièce dédiée au Black Power. Donc on commence avec une pièce qui s'intitule Wake Up. Sleep a baby. come on, think you better wake up. Nah, nah. Good God. Y'all better get on up. Come on, wake up. Woo-hoo-hoo. Wake up, wake up. Woo. Brothers and sisters, we've been sleeping way too long. Wake up, wake up. Got to get together right now. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Oh my God. They didn't want to see black man progress. All along the way, we have strayed, searching to find the way to happiness. How long will it be till all of my brothers see the hidden brutality? Now Malcolm X made prospect, it was to see all men live in unity. But now he is down, down in On parle du White Power, mais il y a aussi le Black Pride, le pouvoir noir, si on veut. Trois pièces de l'époque des Black Panthers aux États-Unis. On a entendu la pièce Malcolm X du groupe L16. Malcolm X, bon, vous savez c'est qui, c'est un leader noir aux États-Unis qui avait changé son nom. Il s'était converti à l'islam et il avait changé son nom pour Malcolm X. Et on a entendu Strange Fruit. Cette pièce-là, une chanson extrêmement grave, extrêmement dramatique. Ça raconte l'histoire. En fait, c'est pour dénoncer le lynchage. Les fruits, les étranges fruits en question, c'est des hommes pendus à des arbres. Comme ça se faisait dans le sud des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, mettons, dans une certaine époque. C'était chanté par Billie Holiday. Et on a entendu aussi la pièce Wake Up de Larry Williams. Mais dans la musique antifasciste, il y a aussi les Français qui en ont fait. Allons écouter une pièce de Serge Gainsbourg, pourquoi pas. Vous écoutez la radio de CKRL 89.1, c'est François Gécouillard au micro. Thématique antifasciste ce soir. Noir les gars, ajustez bien vos accroches, bah vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Flottez-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. de légame et des fixatifs et corps grané, panié, ni ongle, ni phare. Venez avant qu'il soit trop tard, on va lancer Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser Nazi Rock. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Attention, là, don't get me wrong, là, c'est un gars qui, au niveau de l'idéologie, me fait peur. C'est un grand, c'est pas un nationalisme au niveau de la séparation du Québec. C'est quelqu'un qui veut que le Québec devienne un genre de Venezuela ou encore le Bolivie, donc un pays pauvre où ce que le gouvernement s'occupe de tout. Ouais. Ça, c'est bien épeurant. Mais je rêve qu'il y ait un Amir Kadir pour la droite. Monsieur tout le monde, cette chanson infâme, cette complainte immonde, c'est une histoire sordide sur un air de Janoche qui remplit les têtes vides pour faire des sales caboches. Jacques Antillet était gosse, il aimait bien les bosses, l'union et les coups de poing sur la gueule des youpins. Fait ses classes chez Poujade, ou que c'est qui prend du grade, puis il applique sa thèse en Algérie française. Un beau curriculum pour faire un beau facho, et derrière un troupeau où sommeille le pogrom. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, le traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un relent de Rance, Croatie de vieille France, le traîne c'est sa vatte, la Java de l'extrême droite. Gros dindons sur leur tour, et petits maigrettes connards se battent dans la basse-cour des grands politicards. Croix, ce vieux corbeau, un bois crâne rasé, il passe les têtes de veau, allure normand serrée. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, elle traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un relent de Rance, Croatie de vieille France, elle traîne ses savates, la Java de l'extrême droite. Cet air qui fait fureur au pays des bignoles fait danser les guignols de nos téléviseurs pendant que le peuple rigole. L'Assemblée nationale légifère et emballe le délit de sale gaule. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, elle traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un relent de Rance, Croatie de vieille France, elle traîne ses savates, la Java de l'extrême droite. La jeunesse bohème, étudiante et anard, emmerde le FN en fumant des pétards. Mais que d'autres s'activent et posent des gros pétards. L'arrêt plus répressif leur offre ses comptes placards. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, elle traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un relent de Rance, Croatie de vieille France, elle traîne dans l'air du temps depuis déjà trop longtemps. Là. Sur ce qu'il dit, là, on s'estimera pas. Moi, le gars me fait peur. Je résume ça à le gars me fait peur. Tout ce qui sort de sa bouche, je trouve ça aberrant. À un point tel que même quand il parle des valeurs du Québec, je deviens quasiment un peu américain dedans de moi. J'ai un peu de misère à voir que ces gens-là qui ont une autre, d'autres valeurs, une autre culture, bon, qu'on a réussi à rentrer chez nous, prennent de plus en plus de place maintenant. Tu sais qu'aux États-Unis, entre autres, tu peux pas être président si t'es pas né aux États-Unis. J'ai un malaise aussi à voir des gens qui prennent beaucoup de place en politique puis qui sont pas nés au Québec. Ça, c'est une autre histoire. Vous allez me dire, vous pouvez pas être traité de raciste et tout, là, vous avez le droit. Mais ça, j'ai un malaise pour te montrer comment il me fait peur. Républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se compresse la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs, mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule ton mal et ton tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort. C'est d'une simplicité biblique, d'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise, pendant que nous on un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Y aura plus de chef, plus de contre-maître, plus de directeur et plus de patron. Mais est-ce qu'on pourra tirer sa flemme? On fera tous les jours le lundi. Oui mais s'il y a plus de la transpem, qui fera la paye le samedi? De la France. On a entendu la pièce « Plus de patron » tirée de l'album « Chanson contre », interprétée peut-être de... Ah, voilà, j'allais... Charles Davray. Charles Davray. On a entendu « La Java la plus moche » de Igor Agar. Un groupe vraiment, vraiment très obscur. Et « Nazi Rock » était interprété par Serge Gainsbourg. Gainsbourg qui a fait un album consacré exclusivement à l'univers des nazis, qui s'appelle Rock Around the Bunker, un disque qui date de 1975. Et lui-même a déjà été contraint de porter l'étoile jaune en 1942. Et l'album contient des pièces comme Tata Tuton, Zig Zig avec toi, S.S. Cibon et SS in Uruguay. Il a notamment écrit ces paroles-là au sujet des camps de la mort. Alors je le cite. Sont-ce qu'insensés assassins? Est-ce ainsi qu'assassins s'associent? Il eût fallu, en plus qu'en Prusse, ces processus se sucent. Ah là là. Une sorte de disque provocation dans le genre qu'on aime de Gainsbourg. Déjà tout pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, c'était François G. Couillard. Pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. C'était pour moi un grand plaisir de vous offrir cette musique. Et on se laisse avec une pièce expérimentale qui s'intitule... Comment ça s'appelle? Non Consumiamo Marx de Luigi Nono. Une pièce qui m'a été suggérée par Alex Fata. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. fenêtre de votre cœur. All'interno della Biennale ha ottenuto un suo primo grande risultato. Quello di far chiudere. Doit cesser d'être, pour exister. Et sous le pavé, c'est la plage. Embrasse ton ami, lâche ton fils. Thank you.